Section 69 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 16, deuxième partie. L'Empire grec, suite, par Alfred Rambaud. Hellènes et romanistes, la question nationale. C'est la Grèce ancienne, avant Rome, qui a fait entrer dans l'esprit humain l'idée de la cité, l'idée de la patrie. Pourquoi cette idée s'est-elle effacée si complètement chez les Grecs du Moyen-Âge, dans le peuple comme chez les princes byzantins? Nous avons déjà suivi dans les siècles précédents cette décadence du patriotisme, non pas hellénique, mais même romain, chrétien, orthodoxe. La nationalité grecque souffrait de cette fatalité qui lui avait fait renier ses propres traditions et jusqu'à son propre nom pour prendre un nom étranger, romain. Flétrir ses vrais ancêtres du nom d'Hélène, devenu pour elle synonyme d'infidèle et de païen. Nous venons de voir, au XVe siècle, l'élite des Byzantins partagée en deux camps, les Hellènes et les anti-Hellènes ou romanistes. L'Église, presque tout entière, surtout les moines, était avec les derniers. Plus que jamais, le mot d'Hélène lui semblait suspect. Parmi ceux qui se réclamaient de ce nom, il y avait de demi-barbares qui n'avaient pas complètement oublié les anciens dieux, et des raffinés qui, par un dilettantisme analogue à celui des humanistes d'Italie, tendaient à les ressusciter. Le moréote Pléthon était un païen. Un de ses partisans, Michel Apostolios, trouvait en Crète, 1465, des statues antiques encore debout, et leur adressait ses prières. Mais qu'on explique pourquoi ces statues étaient encore debout, pourquoi tant de poèmes populaires grecs, tant de chants en l'honneur des stradiotes du XVe et du XVIe siècle sont absolument païens d'inspiration. L'Empire, reconstitué à Nicée par Théodore Lascaris, fut salué par lui et son entourage du nom de Hellade. Puis une réaction se fit sous les premiers paléologues, redevenus empereurs des Romains. Jean V, au contraire, est le roi soleil de la Hellade. Autres Hellados, Hellie Basileu, lui dit à Giropoulos. Le prédicateur Manuel Brienne déclare qu'il ne voyait aucune différence entre le nom de Romain et celui d'Hélène. Ailleurs, il applique au latin le nom de Romain et réserve pour les Grecs celui d'Hélène. Les orateurs de Sainte-Sophie prêchent aux Byzantins les vertus de leurs ancêtres Hélènes, rappelant ce qu'avaient fait, pour la chose publique, pour la patrie, les Périclès, les Thémistocles, les Opadimondas. Quand Dragazès est devenu empereur, Argyropoulos l'adjure de prendre le titre de roi des Hellènes, ce titre seul suffisant pour assurer le salut des Hellènes libres et la délivrance de leurs frères esclaves. On croirait entendre parler un grec du XIXe siècle. La prise de Constantinople par les Turcs précipita l'évolution. Le nom romain et la tradition romaine restèrent sous les débris du trône impérial. En même temps que périssait leur monarchie, les Hellènes devenaient une nation. Sous la domination ottomane, les moines, qui naguère flétrissaient le nom d'Hélènes, l'exaltaient dans leurs prédications à leurs compatriotes asservis. Des deux éléments qui faisaient la nationalité, l'un, l'orthodoxie, gardait sa vitalité. L'autre, l'hellénisme, prenait conscience de soi-même. L'oppression amena cet autre résultat à mesure que les ecclésiastiques se convertissaient à l'hellénisme politique, les couches profondes de la population, les demi-barbares, épirotes, péloponnésiens, attiques, béotiens, abjuraient l'hellénisme païen. Jamais le peuple grec n'a été aussi chrétien que sous le joug musulman. Caractère du gouvernement, république municipale et dynastes locaux. la substitution des despotesses princes aux anciens stratèges, cette sorte de dépècement de l'État en apanage n'est pas le seul caractère de cette période. À l'ancienne organisation administrative, si perfectionnée dans ses rouages, si efficace dans son action centralisatrice, a succédé un appareil grossier de gouvernement. Stratèges ou despotes, abandonnés à leurs propres ressources, vivant sur le pays, administrant à forfait, ressemblant plus à des pachas turcs qu'à des gouverneurs romains. Sous une administration qui ne peut agir que d'une action inégale et intermittente, les sujets sont livrés à eux-mêmes. Les faibles tombent sous la domination de tyrannies locales, les forts ou ceux qui sont devenus forts par l'association se font souverains. Au XIe siècle, il y avait encore un empire. Au XIIe siècle a commencé l'anarchie. Au XIVe et au XVe siècle, de cette anarchie se dégagent des oligarchies ou des démocraties. La péninsule balkanique présentait, comme l'Italie de la même époque, sous une ombre de Saint-Empire, toutes les variétés d'organisation locale, depuis les tyrannies jusqu'aux républiques municipales. Le type de celle-ci reste Thessalonique. Les habitants de cette ville sont partagés en quatre classes. Les primats, ou notables, archontes, proucontes, le clergé, cléros, les bourgeois, mesoi, borghesioi. Ce nom est tout italien et occidental. Le peuple, oi popolaroi, également tout italien, demoi. Demes est ici au pluriel parce que le peuple est partagé en corporations ayant le droit de porter les armes. Celle des marins est la plus puissante et la plus audacieuse. C'est sa bannière que suivent les autres en cas de guerre ou de révolte. Ajoutez à tout cela l'autorité du métropolitain, celle des fonctionnaires impériaux, celle des princes ou princesses du sang qui sont apanagés dans la ville où y exerce le despotat, et vous aurez tous les éléments d'une histoire municipale à l'italienne. Il y a là un sénat, boulé ou synclétos, où siègent les archontes et où l'archevêque a voix prépondérante. Il y a un peuple qui se réunit dans les comices, où il élit chaque année les archontes de la chose publique, les généraux, stratèges du peuple, les juges, les administrateurs des hôpitaux et hospices. Leur justice était si bien autonome que les juges ne tenaient pas compte des nouvelles impériales et appliquaient seulement les coutumes locales, à savoir la loi des fondateurs et la loi coloniale. Thessalonique s'est fait reconnaître le droit d'envoyer des ambassadeurs aux princes étrangers pour traiter des affaires de commerce si étroitement liées aux affaires politiques. À un certain moment, tout comme les villes italiennes, le Parti populaire prit le dessus. À Thessalonique, sous le nom de Zélote, il exila, dépouilla, massacra les archontes et fonda un gouvernement démocratique. Ces tiompi grecs s'appuyaient sur le métropolite, qui devint comme le président de leur république. Assiégés par Cantacuzène et par les Turcs, ils prirent des mesures vraiment révolutionnaires, exigeant des monastères qu'ils contribuassent de leurs deniers à la défense. C'est de cette indocile cité qu'un de ses membres, l'archevêque Cabasilas, osa faire l'apologie à la cour de Cantacuzène. Dans son discours, les mots de république et de liberté y ronflent comme dans un discours de Rienzi. Cette république se base sur l'égalité et la justice, et ses lois sont meilleures que celles de la république de Platon. Situation économique. Les finances du Second Empire grec étaient encore plus misérables que celles de l'Empire qui avait succombé en 1204. Le revenu des impôts directs s'était réduit avec le territoire vraiment soumis. Nous avons vu que les Vénitiens et les Génois s'opposaient à tout remaniement de son système de douane. On vivait donc presque uniquement d'expédients. En 1306, Andronique II, pour solder les Catalans, en est réduit à tâcher d'accaparer le monopole du blé. Les altérations de monnaie sont maintenant d'usage constant. En 1346, Anna de Savoie, pour soutenir la guerre contre Cantacuzène, dépouille les églises. Cette cour est plus pauvre que jamais. En 1347, quand on veut célébrer un couronnement, on s'aperçoit que tous les bijoux impériaux ont disparu. Faute d'argent, tout tombe en ruine. Andronique II est cité comme un prince ami des arts, non parce qu'il a bâti de nouveaux édifices, mais parce qu'il a fait réparer la statue équestre de Justinien, l'église Saint-Paul, celle des saints apôtres. Celle de Sainte-Sophie était sillonnée de profondes lézardes. On la flanque alors de ses deux premiers contreforts. Les deux autres seront ajoutés par les Turcs. Controverse religieuse. La vie intellectuelle de Byzance était, pour les lettrés, en majeure partie dans les controverses. Pour le peuple, elle n'était que cela. La question de l'union des deux églises fournit aux controverses la matière la plus abondante. Le règne d'Andronique II fut d'abord une violente réaction contre l'œuvre de son père Michel VIII. Le nouvel empereur s'abandonna au conseil de sa tante Eulogie et des plus fanatiques parmi le clergé et les fonctionnaires. Les martyrs des persécutions de Michel VIII sortirent de leur cachot, étalant au peuple leurs mutilations et leurs plaies. Le patriarche Vécos, qui, malgré lui, avait consenti à l'union, dut abdiquer et se retirer dans un couvent. L'ancien patriarche Joseph fut ramené en triomphe et réinstallé. Sainte-Sophie, souillée sous Michel VIII par la présence du légat pontifical et les cérémonies du rite latin, fut solennellement purifiée. Bientôt, on se rappela que Joseph lui-même avait témoigné à Michel VIII quelques complaisances. Ce fut heureux pour lui qu'il mourut de vieillesse. 1283. Les partisans de son prédécesseur, Arsène, mort en 1273, tinrent alors le haut du pavé. Les querelles entre arsénites et joséphistes reprirent avec autant de fureur qu'au temps de Michel VIII. Les grands, le peuple, les mendiants, les brigands même, étaient partagés entre les deux factions. Parmi les orthodoxes, les arsénites étaient les purs entre les purs, des fanatiques intransigeants. Il fallut que l'empereur leur accordât dans Constantinople une église où ils célébrèrent les rites de leur secte. C'étaient d'enragés thaumaturges. Ils exigeaient qu'on leur livrât le corps de n'importe quel saint, assurant que, par la vertu de leurs principes, ils feraient tous et tous des miracles. Par exemple, la déclaration de leur doctrine, placée au pied du bienheureux, irait d'elle-même se placer dans sa main. L'empereur avait d'abord consenti à leur livrer les reliques de Jean Damascène. Puis il se ravisa et interdit le miracle. Les arsénistes triomphèrent de son refus. Le nouveau patriarche, Georges de Chypre, consentit à faire la besogne qu'avait refusée le vieux Joseph, l'épuration du clergé coupable de complaisance pour l'union. C'était presque tout le haut clergé. L'empereur convoqua un concile au Blacherne, Pâques de 1283. C'est ce que les latins ont appelé le brigandage des Blachernes. La liste des proscriptions était arrêtée d'avance. À mesure que le nom d'un des condamnés était prononcé, on lui liait les pieds et les poings, et les hommes d'armes le livraient à la populace. L'impératrice mère fut sommée de rédiger une confession orthodoxe et de s'engager à ne jamais réclamer la sépulture impériale pour son mari. Ces violences ne suffirent pas à apaiser la discorde entre joséphistes et arsénistes. Il fallit les réunir en colloque à Adramyttion, Asie mineure. L'empereur présidait. Les arsénistes rédigèrent leur profession de foi et sommèrent les joséphistes d'en faire autant. Puis, s'en remettant au jugement de Dieu, les deux parties déposèrent les cédules sur un brasier. Le feu respecterait la bonne cédule. Elles furent consommées toutes deux. Les deux parties, très penauds, promirent alors de reconnaître le nouveau patriarche et de vivre en paix. Sous Andronique III, autre querelle. Des moines du mont Athos s'étaient persuadés qu'à force de regarder leur nombril, ils en voyaient jaillir une lumière. on leur donna le nom d'hésicates, les immobiles, et d'omphalophysiques, ceux qui mettent leur âme dans leur nombril. Leurs partisans soutenaient que cette lumière était surnaturelle, incréée, identique à celle qui s'était manifestée sur le mont Tabor. Le moine Barlaam, calabrais d'origine, abbé du couvent du Sauveur, attaqua cette superstition dans un pamphlet virulent. Mais les hésicates trouvèrent un défenseur en Palamas, métropolite de Thessalonique. La question s'éleva. On discuta sur les émanations de Dieu, on distingua entre ses essences et ses énergies. Il y eut un parti barlaamiste et un parti palamiste. Ils déchirèrent la cour et la ville. Les ambitieux firent leur choix. Du côté de Barlaam, le patriarche, du côté de Palamas, Jean Cantacuzène, alors grand domestique. Palamas triompha dans un synode et fit mettre en prison ses adversaires. Barlaam gâta sa cause en partant pour l'Italie et en s'y réconciliant avec l'Église romaine. Les polémiques relatives à l'union reprirent de plus belle quand Jean VIII se fit représenter ou assista au concile de Ferrare, 1438, et de Florence, 1439. Comment faire accepter l'union au peuple de Constantinople? L'historien Michel Doukas, témoin oculaire du retour des délégués dans la capitale, donne, par son récit même, la mesure de la violence que lui et les siens mettaient à repousser l'union. Il va jusqu'à mettre dans la bouche même de ses délégués l'aveu cynique d'une trahison. Nous avons vendu à prix d'argent notre foi. C'est ainsi que les fanatiques accueillaient des hommes qui, sentant les Turcs aux portes de la ville, avaient fait le sacrifice patriotique, non de leur foi, mais de quelques particularités dans le rite et la discipline. Droit, littérature, science. Il n'y a pas lieu de parler, à ce moment, d'art byzantin. Constantinople a également cessé d'être le centre du droit. Même les nouvelles se font plus rares. L'une est de Michel VIII, interdisant à ses sujets de porter des étoffes de provenance étrangère, Syrie, Égypte ou Italie. Ce n'est qu'une loi somptuaire qui témoigne seulement de la pauvreté de l'Empire et du déclin de ses industries. Les Byzantins n'ont pas créé une philosophie originale. Mais parmi ceux qui, dans cette période, commentèrent Aristote et Platon, on peut citer Sophonios, le patriarche Grégoire de Chypre, qui fut le chef d'une école où figurèrent tous les philosophes en faveur auprès d'Andronique II. La Byzance des paléologues a produit des logiciens, des moralistes, des rhétoriciens. L'un des plus distingués fut l'empereur Manuel II. Ce vaillant prince était un penseur, un lettré délicat, un humoriste. Il a exposé en forme de dialogue ses polémiques avec les lettrés turcs sur la religion chrétienne et la religion musulmane. Des études sur le bien, le libre arbitre, le péché, une jolie fantaisie intitulée « À un ivrogne », le discours d'un prince bien intentionné à ses sujets bien pensants, et un morceau d'une philosophie à la fois fantaisiste et pathétique. Ce que Tamerlan a bien pu dire à son prisonnier Bayezid. Il y eut à la cour des paléologues une école de véritables philologues, critiquant et commentant les textes anciens dans un esprit qui est déjà celui de la Renaissance. Byzance eut des pamphlétaires comme Mazaris, auteur d'une descente aux enfers, des poètes satiriques comme Catrarès et d'autres qui cultivaient le genre descriptif, l'allégorie, l'épithalame. Les historiens byzantins de l'époque sont des hommes pour la plupart mêlés aux grandes affaires, apportant leur témoignage oculaire, donnant à leur récit une note personnelle, écrivant quelquefois avec la passion de parti. Tels furent Georges Acropolite, ambassadeur au Concile de Lyon, 1274, et à la cour d'Assad de Bulgarie. Georges Pachymère, contemporain des empereurs de Nicée, puis des premiers paléologues. Nicéphore Grégoras, un des plus féconds écrivains de Byzance. l'empereur Jean VI Cantacuzène, qui employa les loisirs que lui faisait le couvent à raconter l'histoire de son temps. Jean Cananos et Jean Ananiostès, qui raconta l'un le siège de Constantinople par Mourad II, 1422, l'autre la prise de Thessalonique par les Turcs. Chalcocodylas, deux fois ambassadeur auprès de Mourad II, Doukas, le passionné orthodoxe, Georges Frances, secrétaire et ami de Manuel II, préfet de Sparte, grand logothèque, prisonnier des Turcs en 1453, puis au service du despote Thomas Tzemori. Xanthopoulos, auteur d'une vaste histoire de l'Église, dont nous n'avons que la partie antérieure à 610. Les Byzantins n'avaient cessé de cultiver les sciences, mais dans l'esprit qui est celui de tout le Moyen-Âge, c'est-à-dire un peu comme une branche de la scolastique ou de la littérature. Nicolas Blemmides, qui, en 1255, refusa le patriarcat, rédigea une géographie synoptique et un traité sur le soleil et la lune. L'historien Pachymère écrivit sur les quatre branches de la mathématique, notre quadrivium, arithmétique, musique, y compris l'acoustique, géométrie, astronomie. Il donna un traité sur les lignes insécables et un autre sur la mécanique, De quatuor machinis. Planudes commenta les deux premiers livres du mathématicien Diophante. Métochite donna des paraphrases sur la physique d'Aristote. L'historien Grégoras proposa une réforme du calendrier, réfuta ceux qui calomnient l'astronomie, fit un traité de l'astrolabe. Nous avons un traité d'astronomie par Gémiste Pléthon et un commentaire de l'Amalgeste par Nicolas Cabasilas, archevêque de Thessalonique. Chrysososès fut médecin et astronome. Phylès écrivit un poème sur les mœurs des animaux. Nicolas Mirepsos, au XIIIe siècle, rédigea un traité sur la composition des médicaments. M. Krumbacher estime que plusieurs de ces hommes, dans ce cercle si restreint de Byzance, n'ont pas rendu aux sciences de la nature moins de services que Roger Bacon en Occident. Tous les pays grecs concouraient à cette splendeur scientifique et littéraire de la civilisation hellénique à son déclin. À la veille de succomber tout entière, la Hellade tout entière rassemblait ses énergies intellectuelles pour jeter un dernier éclat. Langue romaïque. Tous ces auteurs s'exprimaient dans la langue écrite, très différente de la langue parlée par le peuple hellénique dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Au XVe siècle, cette langue écrite, qui avait subi au Moyen-Âge une évolution analogue à celle qu'avait subie dans la même période le latin en Occident, qui était devenue une langue de cour, un grec d'église, gâtée par les termes d'administration romaine, où le vocabulaire ecclésiastique tendait soit à se purifier par le retour au modèle classique, soit à s'enrichir par quelques emprunts à la langue parlée. Grégoras s'est proposé pour modèle Platon. Pachymère pousse le raffinement jusqu'à ne vouloir employer que les noms attiques des mois. Chalcocondylas a choisi pour ses maîtres Hérodote et Thucydide. C'est ainsi que les humanistes italiens, à la même époque, non seulement s'efforçaient de calquer leur latin sur celui de Cicéron, mais écartaient tout vocable qui ne se rencontrerait pas dans ses œuvres. Aux Cicéroniens d'Italie répondent les néo-attiques de Byzance. Au contraire, Doukas se rapproche de la langue parlée. Tandis que la langue écrite évoluait et devenait une langue néo-grecque, mais toujours une langue écrite, distincte de celle du peuple, celle-ci s'affirmait dans de nombreux monuments littéraires, soit écrits, soit purement oraux et uniquement conservés dans la mémoire des hommes. Ce qui nous en reste, pour l'âge des paléologues, ce sont quelques monuments en langue populaire, mais rédigés par des lettrés. Les âges précédents nous avaient laissé des épopées, comme celle de Digénis Acritas, des vies de saints, comme celle de saint Théodose, des chroniques même, comme celle de Malalas. Ces monuments deviennent plus nombreux au XIVe et au XVe siècle. La chronique de Morée, toute la littérature de la Crète, les assises de Chypre, sont rédigées en cette langue populaire qu'on appela fort improprement le romaïque. Tels sont les poèmes de lamentation sur les ravages de Taberlan, sur la prise de Constantinople par les Turcs, sur la chute d'Athènes. Tels sont ces espèces de chansons de gestes, les unes empruntées à notre Occident, surtout français, d'autres à l'Orient, comme les aventures de Barlaam et Josaphat, celles de Sintipas, Sinbad le marin, d'autres enfin à l'ancienne littérature grecque, parfois à travers des imitations françaises, comme les Achilléides, les Alexandréides, etc. Le despote d'Épire, Jean II, 1323-1335, n'a-t-il pas chargé un certain Herboniakos de lui arranger l'Iliade au goût du jour et dans une langue intelligible pour lui et ses sujets? En idiome romaïque circulaient aussi des récits analogues à notre roman du renard, sur le loup, l'âne, le renard. Des récits sur les animaux fantastiques, licorne, phénix, et jusqu'à des traités de médecine populaire intitulés Iatrosophia. Le peuple des provinces helléniques possédait ainsi toute une littérature à lui, presque aussi riche que celle des lettrés. Fin de la section 69.